On polarise tellement, on est tellement été habitué à polariser qu'on a perdu la capacité d'être, même ce qu'on l'a déjà eu, d'être réellement créatif. C'est-à-dire, quelqu'un de créatif, il va rentabiliser sa souffrance expérimentale. Quelqu'un de créatif, il va se servir du négatif. Pour quelqu'un de créatif, là, il n'y a pas les choses positives d'un bord puis les choses négatives de l'autre. C'est quoi une conscience intégrale? Comme je parlais, la fourche de Pluton, vous pensez vraiment qu'on est obligé d'aller soit à gauche, soit à droite? Qu'on ne peut pas aller partout en même temps? Une expansion de conscience, ça va à gauche, pas à droite. On sait, quelqu'un qui est capable de se servir du négatif, puis je veux dire, ça compte plus, là. Ça compte plus, ces polarités-là. Donc, un enfant éteint, c'est un enfant qui souffre moins, oui. Mais c'est un enfant qui risque de faire un adulte qui va engendrer plus de souffrance chez les autres qui ne sont pas éteints. Il va faire partie des forces anti-individus. Un enfant qui ne souffre pas, il ne grandit pas. Ça fait partie des lois de la vie, ça fait partie des lois de la nature. C'est pour ça que ça ne donne rien de vouloir que tout aille bien tout le temps. Si, là, il n'y avait aucune souffrance expérimentale sur notre planète, il ne se serait développé aucune conscience. Le petit peu qu'on a, là. Fait que c'est pour ça l'affaire, donner de la valeur, pas donner de la valeur. Si, c'est objectif, c'est l'affaire qui prend le plus de valeur, c'est la souffrance expérimentale, justement. Parce que c'est ça qui fait qu'on a de la conscience à un moment donné. Quelqu'un qui a beaucoup souffert de sa condition, puis à un moment donné, ben, il est en puissance dans sa vie, c'est grâce à ça. C'est parce qu'il va avoir intégré son expérience, il va avoir compris des lois causales, entre autres. Puis là, c'est pour ça, là, l'affaire, là, la pensée positive, tout se paye, hein, je veux dire, le négatif, il vient à un moment donné, il faut être capable de s'en servir, puis c'est pas intelligent de tout polariser comme ça. Il faut travailler avec le négatif, il faut s'en servir aussi. C'est ça, être créatif. Ouais. Avoir un vrai espace créatif, ça ne peut pas être polarisé juste d'un bord, ça va être limité. Ça prend une jambe droite, puis une jambe gauche pour avancer. Ça prend, à moins d'avoir rien qu'une jambe, puis de se promener comme une chenille, mais ça, est-ce que c'est souhaitable? Pas se voyez là. Prenez là, quand on se fait avoir, c'est par des choses positives. Je ne me suis jamais fait avoir par du négatif. C'est tout le temps fait avoir par du positif. Mais je vous dirais, quelqu'un qui est en intégration de conscience, à un moment donné, il est content de se faire avoir. À chaque fois qu'il se fait avoir, il sait qu'il ne se fera plus avoir dans le même registre ou de la même façon. Parce qu'il commence à intégrer, il commence à être intégral.